Bonjour, welcome to French Pod America. Et je m'appelle Amaury, salut à tous. We have an intermediate lesson for you today called My Package Still Hasn't Arrived. Ah là là. We're going to learn a little bit of, you know, service speak. When you got a situation, you got to talk to some service people. Exactement. Because now at the intermediate level, you might have some more detailed problems you have to deal with. For example, at the post office. Mm-hmm. We got a guy here. Il veut savoir pourquoi il n'a pas reçu son paquet. So, let's find out. Alors, on écoute le dialogue ensemble et on essaye de trouver la raison. Bonjour. Mes parents m'ont envoyé un colis il y a 2 semaines, mais il n'est toujours pas arrivé. Je vois, monsieur. Je vais regarder. À quel nom, s'il vous plaît ? Rosier. Ah, comme la plante. C'est urgent ? Qu'est-ce que vous entendez par « c'est urgent » ? Eh bien, est-ce que vos parents ont précisé que c'était un colis express ? Je ne sais pas, peut-être... Alors voilà, s'ils ont rien dit, c'est normal. Ça peut prendre un mois. Comment ? Bah, je peux rien faire pour vous. C'est une honte ! Vous entendrez parler de moi ! Eh, Robert, les clients, ils sont un peu tendus aujourd'hui, non ? Okay, we're back, so a little frustrating. Un petit peu. Mm-hmm. Il y a eu un petit problème à la poste. So he goes and tells them, what's his explanation when he gets up to the window? Ses parents ont envoyé ce colis, ce paquet. So a colis. Voilà, masculin. It's a package. Mm-hmm. Is it only for the mail that you use this word colis? Oui, c'est quand on parle de la poste. Okay, so how long ago did ses parents ont envoyé ce colis? Donc, ils l'ont envoyé il y a... 2 semaines. Okay. Mais il n'est toujours pas arrivé. Okay, let's look at this a minute. Toujours. Now, toujours has 2 meanings, right? It means still and always. C'est vrai. Sometimes for foreigners, it's hard to tell which one to use where. Ça peut être compliqué, ouais. This one is still. So let's look at the structure. Il n'est toujours pas arrivé. Oui. For example, Amaury, tu n'es toujours pas acheté your plane ticket to go back to France. Ouais, mais... Ce n'est pas de ma faute. Ma mère ne m'a toujours pas annoncé la date du mariage auquel on doit se rendre. Okay, so you still don't know the day of the wedding. Voilà. That's why tu n'es toujours pas acheté de billet. Voilà. Parce que tu ne connais toujours pas la date of the marriage. C'est ça. The wedding. Mm-hmm. Et toi, Erika, tu n'es toujours pas allée faire une coloration? On my hair? Ben oui. Go dye it? No. Mm. Je n'ai toujours pas fait une coloration mm-hmm. parce que je n'ai toujours pas pris de rendez-vous avec la coiffeuse. Ah là là, faut se bouger. Parce que je n'ai toujours pas trouvé un moment pour y aller. I still haven't found the time to go. Elle est tellement occupée, notre Erika. But it's getting serious. I gotta go now, right? Okay, so the guy's like, mm-hmm, je vois, monsieur. Voilà, on va voir quel est le problème. Right. So something that he will ask to find out the name. À quel nom? So you say, at which name? Exactement. Qui est utilisé quand on fait une recherche de documents ou bien quand on fait une réservation. On vous dit à quel nom? What's the name? Rosier. Comme la plante. Exactement. It's really a rose bush, right? Rosier. Uh-huh. C'est okay. Ça, ouais. Bon, alors, il n'est pas si pressé. Yeah. Il cherche, mais doucement. But he still asks if it's urgent. Exactement. And he says something interesting here. What is it? Qu'est-ce que vous entendez par cet urgent? So first of all, entendre par oui. is the expression that, like, what do you mean by that? Entendre par. Totalement. Okay, so for example, if I said, come on, we have to go soon. Mais qu'est-ce que tu entends par là? Nous ne sommes pas pressés. But I have something to do, so we gotta hurry up. C'est ce que j'entends par là. Ah, d'accord. Bon, je ne savais pas. So, you know, entendre par... Like... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Right. Alors l'autre personne demande, est-ce que les parents ont précisé que c'était urgent, que c'était un colis express? Okay, so préciser, so did they specify, préciser. Exactement. Mm-hmm. Et le colis express... So we say express, right? Like in the English pronunciation. Parfait. It's an express mail package, mm-hmm. right? Voilà. So did ses parents ont précisé que c'était urgent? Il ne s'attend pas à cette question. Il ne sait pas. Peut-être, mais c'est pas son problème. Lui, il veut récupérer son colis. They're right, though. You should know. You need to know. You need to know the information when you go to the post office. Ouais, je crois aussi, ouais. Okay, so... Alors l'autre a trouvé l'excuse. S'ils n'ont rien dit, c'est normal. Alors maintenant, ça peut prendre encore plus longtemps. Okay, so s'ils n'ont rien dit, if mm-hmm. they didn't say anything, So rien, make sure you notice that it goes after the auxiliary. So sino rien dit. Voilà, c'est la place du mot rien. Could you say sino dit rien? Non. Nothing else. Sino rien dit. Exactement, entre l'auxiliaire et le participe. So like, je n'ai rien dit. I didn't say anything. Mm-hmm. Mm-hmm. Tu n'as rien dit, tu n'as rien vu? Yeah. I didn't see nothing. Mm-hmm. I didn't hear nothing. Uh-huh. Je n'ai rien entendu. Ok, d'accord. So, c'est normal. Could take up to a month. Is that true? Could take a whole month to mail a package? Non, on exagère un peu là quand même dans ce dialogue. Is the idea in this dialogue that his parents are in France? Oui, on se trouve dans le même. Ok, they're in the same country. So that's why, you know, 2 semaines is a little bit ridiculous. C'est déjà très long. So he's like, psh, I can't do nothing for you, man. Je ne peux rien faire pour vous. Right. Here's we have another one with the rien placement. So rien goes pretty much always after the closest verb, whether it's the auxiliary or the verb itself. Voilà. Mm-hmm. See, in English, I can't do nothing in French. Je ne peux rien faire. Avant le second verbe, oui. Je ne peux rien faire pour vous. Deal with it. Does he deal with it? Eh oui, donc pour lui, il croit que c'est une honte. And then he says something pretty funny. Vous entendrez parler de moi. You're going to be hearing speak of me. Mm-hmm. This is a literal translation, right? You'll hear to talk of me. Ouais, c'est kind of weird. C'est différent. Hein. Means this isn't the end of this one. This isn't over. Vous entendrez parler de moi. Évidemment, oui, il n'est pas content, vraiment pas. Donc, il va revenir. So does the serviceman, is he impressed? Pas vraiment, non. And he says to his maybe coworker, yeah, so. Et voilà, il dit à Robert, bon ben, les clients, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Ils sont un peu tendus. So tendu means like tight, right? Ouais. Mm-hmm. But it's also a way to say like high strung. Exactement, somebody's ouais. Tendu is really high strung, nerveux. Ben voilà, nerveux. Mm-hmm. Dans ce sens, ici, comme dit ici, uh-huh. Tendu, ça veut vraiment dire ils sont un peu nerveux. So at the end, the guy kind of blame it on the clients, not the slow mail, right? Voilà, on dirait qu'il tendu. Il en a déjà vu plusieurs comme ça pendant la journée. Il est temps d'écouter maintenant le dialogue encore une fois. Bonjour. Mes parents m'ont envoyé un colis il y a 2 semaines, mais il n'est toujours pas arrivé. Je vois, monsieur. Je vais regarder. Quel nom, s'il vous plaît? Rosier. Ah, comme la plante. C'est urgent? Qu'est-ce que vous entendez par « c'est urgent »? Eh bien, est-ce que vos parents ont précisé que c'était un colis express? Je ne sais pas, peut-être... Alors voilà, s'ils ont rien dit, c'est normal. Ça peut prendre un mois. Comment? Bah, je peux rien faire pour vous. C'est une honte. Vous entendrez parler de moi. Eh, Robert... Les clients, ils sont un peu tendus aujourd'hui, non? Nous sommes de retour. So this guy wasn't so nice, hein? This service guy really didn't care. Yeah, whatever. Ouais, non, lui, il n'était pas trop stressé par là. Je ne peux rien faire pour vous. You're a little tendu. Well, c'est normal, whatever. Bon, l'action, c'est urgent, alors qu'il avait dit que ça faisait 2 semaines. Is it normal for sales, you know, like these kind of people to act like this? They really don't care. Là, on a exagéré une situation. Uh-huh, yeah, it's a little dont, on fait des blagues sur le service public. So this is a big butt of jokes in France is the public service servants for this kind of situation. Yeah. Comme quoi, ils ne sont pas stressés. Mm, yeah, they're not stressed at all. Uh-huh. Ils ne sont pas tendus. Voilà. Mais en France, tu sais... It's really important to them, the yeah. Public mm-hmm. services, right? Oui, oui. Donc c'est des blagues, mais pas méchantes. Mm. I didn't ever have a situation. I had this mostly with the phone company, I remember. Ah, tu vois? It's a lot of, hey, can't do nothing for you, man. Mm-hmm. Je peux rien faire pour vous, hein, tu sais, blablabla. Oui, parfois on entend. A little frustrating sometimes, but... Mm. C'est une phrase qu'on n'aime pas trop entendre, ouais. So, I guess from this dialogue we learned to make sure if you're in France and you have to go deal with a situation that you have all the information you need ready, right? Exactement. Oui, prenez tous les détails, à savoir qui a envoyé le colis, il y a combien de temps. À quel nom. À quel nom, exactement. But especially, evidently, c'était un colis express ou pas. Oui. Right? Mm-hmm. Et ça peut prendre du temps. Préparez-vous, car ça peut prendre du temps parfois. So if you have any questions, come to frenchpod.com. Précisez vos questions. Right, and you can also find some other great stuff to do there. Bien sûr. Donc après ce, merci à tous. Au revoir.